بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى on est avec le troisième annulatif de l'islam. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Donc il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala, celui qui ne rend pas mécréants les associateurs, ou qui doute sur leur mécréance, ou qu'il rend bon certaines de leurs pratiques ou certaines de leurs voies, eh bien il a mécru. إذن هذا الناقد يتعلق بمسألة مهمة وهي الكفر بالطاغوت. Donc cet annulatif là, il a une relation avec le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de s'en désavouer. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dans le Coran il dit: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui croit en Allah Azza wa Jal, eh bien il s'est attaché à la lance la plus solide. Donc celui qui n'a pas ce pilier, qui est un pilier de tawhid. Parmi les piliers de tawhid, c'est Al-Kufr bil-Taghut. C'est une base dans le tawhid. Et celui qui n'a pas ce tawhid, cette chose-là, cette base-là, ce pilier-là, eh bien, il n'a pas de tawhid. Walaysa bi muslim. Et ce n'est pas un musulman, aslan. Car le tawhid, kama taqaddam, nous avons parlé de ça à plusieurs reprises, c'est le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de croire en Allah Azza wa Jal. Et c'est une parole qui doit être dite avec la langue, dans laquelle la personne doit croire avec son cœur le sens de cette parole et qu'il doit mettre en pratique ce qui est lié à cette parole et qu'il ne peut s'en séparer. Et donc, Cheikh rahimahullah il dit, Cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala, wa sifatul kufri bit taghut an ta'taqida butlan ibadati ghayrillah wa tatrukaha wa tubghidaha. Il dit quelle est la façon de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il dit c'est d'avoir la croyance ferme que ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux, de les délaisser, de les détester et de les rendre mécréants. Et lorsqu'on parle de Al-Kufr bil-Taghut, c'est-à-dire le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ceci englobe trois choses, comme nous l'avons cité précédemment. Il englobe l'adorer, il englobe l'adoration, et il englobe celui qui adore. Il englobe l'adorer, c'est-à-dire que ce soit un homme ou une statue ou un arbre, ou le soleil ou la lune. Il englobe l'adoration qui lui est vouée à cette divinité en dehors d'Allah et il englobe la personne qui l'adore. Et si tu détestes pas toutes ces choses-là et tu les délaisses et tu as la ferme conviction que leur adoration est mauvaise et ne vaut rien et que tu les rends mécréants, eh bien tu n'as pas mécru à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait de délaisser l'association, mais aussi le fait de se désavouer de tous les associateurs et de les rendre mécréants et de les détester pour Allah Azza wa Jal. Et si la personne elle délaisse un pilier de l'kufr bil-taghut, c'est-à-dire qu'elle atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire elle dit la ilaha illallah, elle adore Allah, elle pratique la religion, mais elle délaisse, elle dit moi, Les gens qui adorent autre qu'Allah, c'est pas mon problème. Ils font, c'est pas mon problème. Que si tu lui dis tu les aimes ou tu les aimes pas, il a dit ni je les aime ni je les aime pas. Ou si tu les vois adorer un autre qu'Allah, il les considère, il les calcule pas, il les rend même pas mécréants, rien du tout. Eh bien celui-là, il n'est pas musulman. Celui-là, il n'est pas musulman, car il a délaissé un pilier de tawhid. Et tout le monde, vous connaissez le hadith de Abi Malik al-Ashja'i an Abi. On connaît tous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par Muslim. D'après Abi Malik al-Ashja'i, d'après son père, il dit: Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Il dit: celui qui a dit la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, et qui a mécru à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et il kufr bit taghut, faqad asama ad-dama wa malah, yani dakhala fi da'irati al-islam. Mais celui qui ne fait pas le mafhoum du hadith, c'est que celui qui a dit la ilaha illallah wa lam yakfur bima yu'badu min dunillah lam ya'sim damahu wa la mala. C'est-à-dire que celui qui a dit la ilaha illallah, qui a prié, qui a jeûné, mais qui a pas mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, bil mafhoum il kamil, avec la compréhension complète, eh bien, il n'a pas protégé son sang, et c'est bien. Donc il dit, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, sharihan, en expliquant ce hadith, وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ مَعْنَى لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. Il parle de ce hadith et il dit, ce hadith est la chose la plus claire qui explique la ilaha illallah. C'est la chose la plus claire qui explique l'attestation. فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ التلفظ بها عاصما للدم والمال. Il a dit dans le hadith, لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. Il a dit, Cheikh, que le prophète sallam, lorsqu'il a parlé, il n'a pas considéré celui qui disait la parole comme quelqu'un qui a protégé son sang et ses biens, donc qui n'est pas musulman. بل لا معرفة معناها لا معرفة معناها مع لفظها. Il n'a même pas considéré comme musulman celui qui l'a dit avec sa bouche et qui a connu son sens. بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. Il dit que la personne, s'il dit la ilaha illallah mais ne croit pas tout ce qui est adoré d'Allah, c'est pas un musulman. Il dit même si il a dit la ilaha illallah mais il n'a pas connu et il a connu son sens, eh bien, il n'est toujours pas considéré comme musulman jusqu'à ce qu'il mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Même s'il a affirmé cette parole, eh bien, il n'est pas considéré musulman jusqu'à ce qu'il yakfour, qu'il mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il dit, et il ne sera véritablement musulman que lorsque il mécroira en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et que celui qui a un doute ou qui s'arrête sur cela, c'est-à-dire qu'il dit moi j'adore que Allah mais je ne crois pas en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien celui-là il n'a pas rendu ses biens et son sang illicite. Et ensuite il dit que c'est une mas'ala, c'est-à-dire c'est un sujet qui est clair et qui est tranchant, yani qui est très clair et tranchante pour toute personne. Donc il est wadih, mes très chers frères, que la personne, elle n'est pas musulmane. Et c'est cela que je veux vous faire comprendre. à travers ce troisième annulatif, que la personne n'est pas musulmane que à partir du moment où elle a réuni entre les deux piliers de tawhid, qui sont al-iman billah ou al-kufr bil-tawhid. Tayyib. Et la personne, si elle a amana billah, wa lam yakfur bil-tawhid, fa laysa bi muslim. C'est-à-dire celui qui a cru en Allah mais il n'a pas mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il n'est pas musulman. Comme celui qui n'a pas cru en Allah azza wa jal, mais qui a mécru en tout, eh bien celui-là aussi n'est pas musulman. Donc, il est impératif que la personne, il mécroit tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Qu'est-ce que le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azza wa jal? C'est ce que a dit le Cheikh rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas à leur adoration, qu'ils les délaissent, qu'ils les détestent, qu'ils les kaffar, c'est qu'ils les rendent mécréants et qu'ils les prennent comme ennemis. Donc, sans cela, eh bien, le fait de dire la ilaha illallah jour et nuit ne change pas la situation de la personne. Et c'est comme la personne qui va attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah Azza wa Jal, mais qui va adorer les tombes, qui va être un abid de l'Qubur, qui va adorer les tombes, eh bien celui-là aussi, il n'est pas musulman. Car la parole qu'il a citée, il ne l'a pas compris. Et s'il l'a compris, il n'a pas mis en pratique, car il a adoré en dehors d'Allah. Alors que la base de cette parole, c'est de délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, mes très chers frères. La tanfa al-kalima illa miyakun fiha al-kufru bil-tarud. Et c'est comme il a dit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dans le hadith de Malik, de Malik al-Ashja'i. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. Donc il dit, Sulayman ibn Abdullah, un des petits enfants de Sheikh, وعباد القبور. Écoute, وعباد القبور نطقوا بها وجعلوا معناها عفوا وعباد القبور نطقوا بها وجهلوا معناها وأبوا عن الاتيان بها فصاروا كاليهود يقولونها ولا يعرفون معناها ولا يعلمون بها أو ولا يعملون بها. Donc il dit, rahimahullah, et ceux qui adorent les tombes, ils l'ont dit avec leur bouche la parole. Ils ont dit la ilaha illallah. Allez dans les pays musulmans, les gens qui vont égorger pour les tombes, les gens qui vont invoquer les tombes, les morts, leur demander, eh bien ceux-là, ils disent la ilaha illallah, ils font la prière, ils jeûnent, mais ce n'est pas des musulmans, c'est des mouchriquins. Pourquoi? Parce que s'ils ont dit la parole, ils ne l'ont pas compris. Pourquoi ils ne l'ont pas compris? Parce qu'ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal. Et s'ils l'ont compris, ils ne l'ont pas mis en pratique. Car ils ont adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il dit, Sulayman ibn Abdullah, wa ubad al-qubur nataqu biha. Ils l'ont dit avec leur bouche. Et ils ont ignoré son sens. Et ils ont refusé le fait de la mettre en pratique. Alors ils sont comme les juifs. Ils le disent avec leur bouche. Et ils ne connaissent pas son sens. Et ils ne la pratiquent pas. Tayyib, fa ubad al-qubur وصفهم أنهم كاليهود. Il a dit, ceux qui adorent les tombes, eh bien ils sont comme ceux qu'ils adorent comme les juifs. Donc mes très chers frères, celui qui ne rend pas mécréant al-mushrik billah azza wa jal, celui qui est associé à Allah azza wa jal, fa huwa mushrik. وذلك من جهتين, de deux sens, de deux côtés. Pourquoi nous avons reparlé de le kufr bit-tawhid en bref? Parce que c'est une chose qui est en relation directe avec cet annulatif. Donc min jihatayn, la personne qui va pas kaffar al-mushrikin, naqadha islamahu. De deux côtés. Le premier côté, c'est que lam yakfur bit-taghut. Puisque al-kufr bit-taghut an tukaffira al-mushrikin. الأمر الثاني أنه مكذب لله وللرسول car c'est comme quelqu'un qui a démenti Allah et son prophète car Allah et son prophète ont rendu les associateurs mécréants et les ont rendus mécréants. Jusqu'à que Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il cite que les Yahoud ou les Nasara, les Juifs et les Chrétiens, ils reconnaissent que ceux qui adorent les tombes, c'est des mouchriquins. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kaffarahum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rendus mécréants. Il dit rahimahullah. Wa hadha idha kana fil maqalat al khafiyya. Yani, à ce moment-là, il parle de Ahlul Kalam, les gens de la falsafa, les gens de la philosophie, qui ont remis en cause les qualités d'Allah, etc. Il dit, وَهَذَا إِذَا كَانَ فِي الْمَقَالَاتِ الْخَفِيَّةِ فَقَدْ يُقَالَ أَنَّهُ فِيهَا مُخْطِي ضَال. Donc vous voyez, il y a une différence dans l'action de la personne et son égarement, qu'il soit dans un point de la religion qui est clair, ظاهر, comme التوحيد, comme il ma'loum min ad-din bid-darura, comme salah, wujub salah, l'obligation de la prière de l'aumône, etc. Ceci, il n'y a pas d'excuse là-dedans. Et il y a une différence entre les choses de la croyance qui sont cachées, comme les noms et les attributs d'Allah, Azza wa Jal. À ce moment-là, il y a l'excuse. Et la personne ne peut être rendue mécréante qu'une fois qu'on lui a expliqué. Donc il dit وهذا ان كان في المقالات الخفيه فقد يقال انه فيها مخطئ ضال يعني في المسائل الخفيه dans les points cachés لم تقم عليهم الحجه الذي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الامور الظاهره. Donc après les gens ils disent Cheikh l'Islam Taymiya, il considère que celui qui fait du shirk akbar, c'est-à-dire celui qui fait de l'association majeure, eh bien il excuse l'ignorant. Il excuse pas l'ignorant. Cheikh l'Islam Taymiyyah, il fait la différence entre les points qui sont clairs, comme tawhid, et les points qui sont pas clairs, comme l'asma wa sifat, par exemple. Et celui qui fait du shirk akbar, yukaffar, wa la yu'dharu bil jahl. Donc il dit, لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلمها العامة والخاصة من دين المسلمين. اسمع، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر مخالفيها. يعني شيخ الإسلام الجي que il y a des choses qui sont cachées, et ceci, nous pouvons excuser la personne. Mais les choses qui sont apparentes, la personne n'est pas excusée lorsqu'elle tombe dedans, comme l'association majeure. Il dit, ceci est connu par les gens savants et les ignorants. Yani, l'âme, les gens du commun. Ensuite, il dit, même les chrétiens et les juifs, ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec ces choses-là, yani, at-tawhid. Et qu'il a rendu mécréant celui qui allait à l'encontre du tawhid, yani shirk. Il dit, bal il yahoud wa nasara ya'lamuna anna muhammadan bu'itha biha wa kaffara mukhalifiha. C'est quoi ces choses-là? Il dit ensuite, mithlu amrihi bi'ibadatillahi wahdahu la sharika lah, wa nahyi an ibadati ahad siwa Allah azza wa jal min al malaikati wal nabiyyin wal shams wal qamar wal kawakib wal asnam. Donc il dit le shirk clairement. Il dit les choses qui sont claires, c'est comme tawhid wa shirk. Comme tawhid et shirk. Même les juifs et les chrétiens, ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu mécréants ceux qui tombaient dans l'association majeure ou ceux qui délaissaient tawhid. ou ceux qui adoraient autre qu'Allah Azza wa Jal. فَإِنَّ هَذَا مِنْ أَظْهَرْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ. Il dit ça, c'est une des choses les plus claires de l'islam. وَمِثْلُ أَمْرِهِ بِصَلَوَاتِ الْخَمْسِ وَإِجَابِهِ لَهَا وَتَعْظِيمِ شَأْنَهَا وَمِثْلُ مُعَادَاتِهِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالصَّابِئِينَ وَالْمَجُوسِ ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك ثم هنا الشاهد ثم تجد كثير أو كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين فكانوا إيش مرتدين لأنهم وقعوا في أمور ظاهرة دوك الجي توسي شوز لا يعني التوحيد الشرك et l'obligation de la prière, l'interdiction de zina, etc., c'est des choses claires. Et il dit, il y a des têtes parmi les gens de l'falsafa de Ahl al-Kalam qui sont tombés dans ces choses-là, c'est-à-dire dans l'association, dans le délaissement de Tawhid. Fakanu murtaddin. Ils étaient des apostats. Et Cheikh l'Islam Taymiyyah, elle n'a pas dit waqa'u fi kufr. Parce que s'il aurait dit waqa'u fi kufr naw fi shirk, les gens, ils auraient dit, peut-être il dit que ils sont tombés dans une mécréance mineure. Mais il a dit فَكَانُوا مُرْتَدِّينَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ. C'est-à-dire, ils sont sortis de l'islam, ces gens-là. Ils ne sont pas considérés comme étant des musulmans. Donc, mes très chers frères, إِذَا كَانَ الْمُشْرِكِ من لم يكفره فهو مشرك كذلك اليهود والنصارى de la même pour les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens, ce sont des kuffars. Et celui qui dit non, c'est pas des kuffars, c'est un kafir lui. Celui qui dit peut-être ce n'est pas des kuffars, ils ont un livre, ils ont un prophète, lui-même c'est un kafir. Pourquoi? Parce que كذب الله وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يلجي في النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر كفرهم الله. الله عز وجل il a dit que c'était des kuffars. Toi tu viens, tu dis non, peut-être ils vont aller au paradis, peut-être c'est des musulmans. أعوذ بالله فإنك بهذه الكلمة قد خرجت من الإسلام. La personne qui va dire ça, il sort de l'islam. وقال في اليهود فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وكفرهم بآيات الله كفرهم الله. الله عز وجل il a rendu mécréant les Yahoud. Donc ce sont des mécréants. Donc celui qui va dire non, ce n'est pas des mécréants, eh bien lui-même c'est un mécréant. يلحق بهم. Il va avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, wal hadith fi sahih muslim d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, walladhi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al umma yahudiyan wala nasraniyan thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashab an nar. Il a dit, je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, qu'il n'y a pas une personne de cette communauté, que ce soit un juif ou un chrétien, qui entend parler de moi, puis qu'il ne croit pas à ce que j'ai, avec ce que je suis venu, puis qu'il meurt sans qu'il aille en enfer. Sans qu'il aille en enfer. C'est-à-dire c'est un kafir. Il va aller en enfer, ibtida'an. Il va aller directement en enfer, il va rester éternellement dedans. يقول الإمام النووي رحمه الله وقوله عليه السلام لا يسمع بي من هذه الأمة من كان في عهده إلى قيام الساعة فكلهم يجب عليهم الدخول في طاعته وإنما ذكر اليهود والنصارى أو يهوديا أو نصرانيا تنبيها على من سواهما وذلك أن اليهود والنصارى لهم كتاب ومن ليس له كتاب من باب أولى. Regarde يا أخي, c'est-à-dire il dit l'imam Nawawi rahimahullah, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ceux qui étaient à son époque Et lorsqu'il a, tout le monde doit rentrer sous son obéissance. Et lorsqu'il parle des juifs et des chrétiens, c'est juste pour dire que eux, ils ont un livre. Malgré tout, ils vont aller en enfer. Que penses-tu de ceux qui n'ont pas de livre? De qui on parle? De l'mouchriquine. De l'mouchriquine. Donc les associateurs, ils sont pires que l'Yahoud ou l'Nasara. Ils sont pires que l'Yahoud ou l'Nasara. Fi jumlatin min al-ahkam. Dans un nombre qui ne se compte pas de jugements religieux. Donc il est impératif à la personne qu'il rende mécréant qui? L'associateur, les juifs et les chrétiens. Et celui qui ne les rend pas mécréants, eh bien lui-même il est considéré comme tel. إذن يلحق بهؤلاء. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى ومن لم يقر باطنا وظاهرا أن الله تعالى لا يقبل إلا الإسلام فليس بمسلم. Il dit, celui qui n'est pas convaincu à l'intérieur et à l'extérieur que Allah Azza wa Jalla n'accepte que l'islam. Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui va chercher une autre religion que l'islam, rien ne sera accepté de lui, et il sera le jour de la résurrection parmi les perdants. ثُمَّ قَالْ وَمَنْ لَمْ يُحَرِّمْ التَّدَيُّنْ بَعْدَ مَبْعَثِهِ بدين النصارى واليهود بل من لم يكفرهم فهو كافر بإجماع المسلمين بإجماع المسلمين. Donc il dit, et celui qui n'interdit pas le fait d'adorer Allah avec une autre religion que l'islam, et celui qui ne les rend pas mécréants, eh bien est lui-même un mécréant, et ceci avec le consensus de tous les musulmans. Et donc هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أنك تكفر اليهود والنصارى والمشركين. Donc mes très chers frères, il faut savoir une chose qui est importante, c'est que الشرك بالله دين, que l'association c'est une religion comme le christianisme ou comme le judaïsme. Ce sont des religions. Et le shirk est une religion à part entière. وهؤلاء أو تلك الأديان لا تجتمع مع الإسلام. Est-ce que vous avez vu un jour quelqu'un qu'il dit la ilaha illallah, puis il va à l'église adorer Salib, il va adorer la croix dans l'église. Qu'est-ce que vont dire les gens sur lui? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire c'est un chrétien. Sahih. Quelqu'un qui va dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, puis il va aller à la synagogue, il va adorer la religion des juifs. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens sur lui? C'est un juif. Quelqu'un il va dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il va aller adorer une tombe. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens sur lui? Non, lui il est excusé. Lui c'est un musulman ignorant. On l'excuse. Allah Azza wa Jalla il a dit: "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abidun ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum." Ma huwa hadha ad-din? Ash-shirku billah. Lakum dinukum wa liya din. Donc Allah Azza wa Jalla il a dit que l'adoration de Quraysh, qui était moins du shirk, qui était moins pire dans le shirk que les gens d'aujourd'hui qui adorent les tombes. Puisqu'ils grandissaient Allah Azza wa Jal, ils aimaient Allah Azza wa Jal. C'était moins pire leur shirk que celui d'aujourd'hui. Malgré tout, Allah il a appelé le shirk de Quraysh din. Donc, al-shirku billah Azza wa Jal, din. ولا يجتمع في رجل واحد دينان. Est-ce que deux religions peuvent venir dans une personne? Est-ce qu'une personne on peut dire c'est un muslim mushrik, c'est un muslim nasrani, c'est un muslim yahoudi? Est-ce qu'on peut? On peut pas. باتفاق المسلمين بإجماع. Il n'y a pas de khilaf là-dessus. Donc deux religions ne peuvent se rejoindre dans une seule personne. C'est donc pour cela, mes très chers frères, que celui qui est tombé dans l'association majeure, c'est un mushrik. وَيَجِبُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِذَلِكِ. Il dit le Qadi Iyad, rahimahullah. وَلِهَادَ. Chouf, on revient toujours, regardez, on revient toujours à l'islam, à la religion. Que Shirk, c'est une religion comme le christianisme et le judaïsme. Il dit, وَلِهَادَ. نُكَفِّرُ كُلُّ مَنْ دَانَ نُكَفِّرُ كُلَّ مَنْ دَانَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمِلَلِ. Il a dit, et c'est pour cela qu'on rend mécréant le Qadi Iyad, c'est pas Mohamed ibn Abdel Wahhab. Il dit, c'est un khariji, c'est un takfiri, Mohamed ibn Abdel Wahhab. Le Qadi Iyad, il est avant, des siècles avant. Il dit, وَلِهَادَ نُكَفِّرُ كُلَّ مَنْ دَانَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ. Et c'est pour ça qu'on rend mécréant toute personne qui adore Allah ou qui adore une autre, qui pratique une autre religion que l'islam. C'est-à-dire qui? Al-Yahoud, Al-Nasara, Al-Mushrikin, Al-Shirk Din. ولهذا نكفر كل من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم. Il dit, c'est pour ça qu'on rend mécréant tous ceux qui ont pratiqué une autre religion que l'islam, ou même celui qui s'est arrêté sur eux. Il a dit non, nous, les juifs et les chrétiens, c'est pas des, et des, les mouchriquines, c'est pas des kuffars. Ou il a douté, ou bien il a dit que leur voie n'est pas mauvaise. Wa in azhar al-islam wa ataqada. Même s'il a cru en l'islam, il l'a cru dans son cœur. Même s'il l'a montré apparemment, et il l'a cru dans son cœur. إذن أيها الأحباب الكرام الشرك دين كما النصرانية دين كما اليهودية دين فمن عبد أو تعبد بغير ملة الإسلام فهو كافر بالإجماع. طيب. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que deux religions ne peuvent pas se réunir sur une seule personne. La personne qui a, comme j'ai dit, adoré autre qu'Allah Azza wa Jal, ou adoré ou pratiqué une autre religion, ne peut être considéré comme étant un musulman. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فقد كفر من بعد إسلامه. فقد كفر من بعد إسلامه يعني أسلم ثم كفر بِاتِّفَاق الْمُسْلِمِينَ لَا خِلَافِ. Donc il dit, celui qui a pris les anges ou les prophètes comme divinité en dehors d'Allah, il a mécru après avoir été musulman, et ceci avec le consensus des musulmans. إذن القاعدة أو الناقد الثالث, le troisième annulatif, مَنْ لَمْ يُكَفِرُ الْمُشْرِكِينَ كَفَر. Celui qui ne rend pas mécréant les mouchriquines, c'est un mécréant, et il rentre dedans les juifs et les chrétiens. Donc, al-mushrik, soit il est mushrik, mustakbir mu'anid, soit c'est un associateur qui est orgueilleux ou qui rejette, comme Pharaon. C'est un mu'anid, c'est-à-dire il a dit, moi je ne veux pas me soumettre à Allah, c'est moi l'ilah, مثلاً, comme il a fait Pharaon. Ou soit c'est un mushrik jahil. إما أن يكون مشركا معاندا أو مشركا جاهلا. Donc soit il est معاند, soit il est مشرك جاهل. Ils vont dire non, le jahil c'est pas un mushrik. Pourquoi? Il est معذور بالجهل. Il est excusé par son ignorance. On a dit que ceci ne pouvait pas être une excuse, car c'est une chose qui doit être connue par tout le monde. Et celui qui ne croit pas, qu'il revienne aux paroles de أهل العلم. يقول ابن القيم رحمه الله والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافرا جاهلا. Akhlas, ya akhi, wadih. Il dit, c'est quoi le tawhid? C'est d'adorer Allah Azza wa Jal, de rien lui associer et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. Et la personne qui ne fait pas ça, il n'est pas musulman. Et soit il est mécréant par orgueil et par rejet, soit il l'est par ignorance. Soit il l'est par ignorance. Et dans la personne qui tombe dans l'association majeure, dans une association majeure, eh bien nous nous devons de le rendre mécréant. Nous nous devons, c'est une obligation. Et ça fait partie de le kufr bit-tagut. Et celui qui ne rend pas mécréant cette personne, ma kafara bit-tagut. Il n'a pas rendu mécréant, il n'a pas mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il a démenti Allah Azzawajal dans son jugement. Il a démenti Allah Azzawajal dans son jugement. Il dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et vous remarquerez que je cite beaucoup de paroles pour comme ça, ils ne disent pas c'est nous on a dit ou c'est les gens ils ont dit. Non, c'est Al-Ulama Al-Muhaqqiqina Bil-Ilm. C'est eux qu'ils ont dit. قال الشيخ محمد رحمه الله أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. Il dit la base de l'islam, c'est-à-dire أصل دين الإسلام, c'est la base de l'islam, la chose par laquelle la personne devient musulman. Deux choses. La personne pour qu'elle devienne musulman, il faut deux choses, on a déjà expliqué tout ça. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. هذا الأمر الأول. La première chose il dit, c'est d'adorer Allah seul sans rien lui associer, d'appeler à ceci, de s'allier sur ceci et de rendre mécréants ceux qui l'ont délaissé. فمن لم يوحد الله muslim. Celui qui n'a pas l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, qui vous son culte à Allah exclusivement, il n'est pas un croyant. Wa takfir man taraka. Athani al-inzaru an ash-shirk fi ibadatillah wa at-taghlidu fi dhalik wal mu'adatu fi wa takfir man fa'ala. Il dit la deuxième chose, c'est de prendre garde à l'association dans l'adoration d'Allah et de mettre en garde contre ceux-ci durement et de prendre ceux qui le font comme ennemis de les rendre mécréants, de les kaffar al-mushrikin. Thumma qal. Ensuite il y a d'autres paroles mais il dit wal mukhalifu fi dhalika anwa'. Il dit il y a ceux qui sont à l'encontre de ces deux bases de tawhid, ils sont de plusieurs catégories. يعني المراد بكلامه والمخالف في ذلك أنواع أي المخالف بمعنى الكفار هم ليسوا في هذين الأصلين فخرجوا عن دائرة الإسلام. Ils ne sont pas dans ces deux bases qu'il a citées. Ils sont contraires, مخالف, ils contredisent ces deux bases. Il cite dix catégories. Mais je vais citer celles qui nous intéressent. أنواع. Il cite منهم من منهم من عمل بالتوحيد منهم وهو ليس بمسلم من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفر من فعله. تفهم؟ Il dit رحمه الله parmi les gens là qui sont contraires à ces deux bases et qui ne sont même pas dans le rond de l'islam, c'est celui qui a pratiqué le tawhid, mais qui n'a pas connu sa valeur. Il n'a pas détesté celui qui l'a délaissé. Et il n'a pas rendu mécréant man fa'ala shirk, afwan. Man fa'ala, yani ash-shirk. Celui qui a fait l'association. Celui qui a fait l'association. Donc il dit man amila bit tawhid wa lam ya'rif qadrahu falam yubghid man taraka wa lam yukaffirhum wa lam yukaffirhum. Donc la budda min at takfir la budda وأول من كفر الله عز وجل هو الذي كفر. Donc Allah عز وجل c'est lui qui a rendu mécréant. Et c'est pour ça qu'on est étonné lorsqu'on entend les gens, ils disent oui, ah le takfir c'est je sais pas quoi. Ça fait partie de din, ça fait partie de al-kufr bit-tagut, ça fait partie de la base de la religion. Et malheureusement la plupart des musulmans lahum mawqif salbi, ils ont une mauvaise vision de ces choses-là qui sont des ahkam shar'iyya. Tout ça par deux raisons. Première, leur ignorance. Deuxième raison, c'est les gens de l'égarement. Qui les ont égarés dans du chemin de la vérité. Jusqu'à ce qu'on a entendu, là récent, que certains ulama, ils ont dû faire des fatwas pour dire aux musulmans de ne pas dire Rahimahullah pour celui qui est le président de l'Afrique du Sud. At-tarahum ala al-kuffar. Ils ont dû faire une fatwa pour que les musulmans ne fassent pas ceci sur ça. Tellement les gens, les musulmans, ils sont loin de la religion, ils sont loin de l'unicité d'Allah. Ils sont loin du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'un musulman véridique, il meurt et qu'ils disent à la télé ou un tel il est mort ou un tel a été tué, etc. Yal'anounahu. Ils le maudissent. Il le maudit, Sakhi. Mais quand c'est un kafir, ilmani, mushrik, ils disent Rahimahu, Rahimahullah, hada mushkilun azim. Donc, mes très chers frères, il faut savoir que, comme on a dit, at-takfir, c'est-à-dire le fait de rendre mécréants les associateurs, les juifs et les chrétiens, c'est une base. Dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal qui est en relation avec le kufr bit tagut. Wa kama ta'lamuna aydan la budda an yatabarra al muslimu min al mushrikin wal yahud wal nasara. Il est un devoir du musulman pour que sa foi soit bonne et qu'il ait la base de la foi, qu'il se désavoue des associateurs et des juifs et des chrétiens. Sinon son tawhid il est pas bon. Et il ne peut se désavouer d'eux. Comment? Comment tu vas te désavouer d'un peuple que tu ne me rends même pas mécréant? Donc, awwalu khutwatin at-takfir. Le premier pas, c'est de les rendre mécréants, puis de te désavouer d'eux. Et c'est comme ça que Allah il nous parle de Ibrahim, qui a le hanafiyya, qui a le tawhid pur. Ibrahim, il a le tawhid pur. Allah Azza wa Jalla nous a dit de le suivre. Il a dit falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah ايش tabarra'a min tabayyana lahu hakama alayhi bi annahu mushrik fatabarra'a min. Donc awwal khutwatin al hukm thumma an tatabarra minhum wa kayfa tatabarra مِمَّنْ حَكَمْتَ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ. Quelqu'un il adore une tombe. Tu dis, c'est un musulman, il n'est pas sorti de l'islam. Est-ce que tu peux avoir le bara de lui? Est-ce que tu vas te tabarra minhu idha hakamta bi islamihi? Non. Donc tout ça est un khalt. Tout ça est un khalt qu'ils ont voulu, certains, pour égarer les musulmans de la vérité. Donc le wadih, ce qui est clair et net, mes très chers frères, c'est que celui qui adorait autre qu'Allah Azza wa Jal, ou qui a voué un culte à autre qu'Allah, même s'il atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, eh bien est un mushrik. Et qu'il faut le considérer comme tel. Le Cheikh l'Islam Taymiyyah il dit, « Man da'a Ali ibn Abi Talib, celui qui a invoqué Ali ibn Abi Talib. » Donc, cela veut dire que s'il a invoqué autre que Ali, est-ce qu'il s'implique le hukm du shir? Bien sûr qu'il s'applique. C'est-à-dire, si quelqu'un on dit Manda'a Abdel Qadr al-Jilani, ou Manda'a al-Badawi, ou Manda'a al-Nabi alayhi salatu wassalam, yani, هنا المسألة هي دعاء غير الله. C'est le fait d'invoquer autre qu'Allah. Donc il dit le Cheikh, من دعا علي ابن أبي طالب فقد كفر ومن شك في كفره فقد كفر. اسمع, celui qui a invoqué Ali, il a mécru. Et celui qui a douté sur sa mécréance, c'est bien lui-même a mécru. Car ces choses-là sont min al-ma'loum min ad-din bid-darura. Ça fait partie des choses de base. Et je vous ai donné un exemple la dernière fois. Et ce sont des choses qui ne s'étudient pas malheureusement dans les, chez les musulmans. Car on veut des musulmans qu'ils n'adorent pas Allah Azza wa Jal. On veut de ça. On veut qu'ils s'accrochent aux tombes. Regardez dans les pays musulmans, entre guillemets, comment ils favorisent l'adoration des tombes. Comment ils aident les gens qu'ils adorent autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc, celui qui a invoqué autre qu'Allah Azza wa Jal a mécru. Et celui qui a douté sur sa mécréance a mécru lui aussi. Wal'iyadu billah. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que ces choses-là font partie de la base. Et que toute personne qui a douté sur le fait que quelqu'un adore autre qu'Allah est un mécréant lui-même en est un. Il dit Aïdan Rahimahullah, il dit dans une autre parole, Cheikh al-Islam al-Taymiyyah Rahimahullah, Inna ahl al-milal. Enzur ya akhi, al-ijma' laysa ijma' al-muslimin fahasb, bal huwa ijma' al-milal. Il dit Inna ahl al-milal, muttafiquna, anna al-rusul, jami'uhum, kaffaru. أو نهوا عفوا نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك. Il dit toutes les religions sont d'accord pour dire que les prophètes sont venus pour interdire l'association et qu'ils ont rendu mécréants ceux qui la faisaient. إذن هذا إجماع من؟ إجماع الأنبياء. وإجماع الأنبياء أعلى Maratib al-Ijma', c'est que tous les prophètes sont d'accord sur une chose, que celui qui fait de celui qui tombe dans l'association, eh bien, est un mushrik. Donc il dit le Cheikh rahimahullah, man lam yukaffir al-mushrikin, celui qui ne rend pas mécréants les associateurs. Et on a expliqué qu'il rentre dedans les juifs et les chrétiens. Aw shakka fi kufrihim. يعني لو شك فيهم يقول لا أدري ربما هذا يهودي مسلم يعني مشي ليس بمسلم لكن يدخل الجنة أو يشك في أنه كافر ويحكم بكفره فهذا قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر أو شك في كفرهم وقد تقدمت النقولات. Donc il dit celui qui a douté sur la mécréance des associateurs des juifs et des chrétiens, il a douté. Ensuite il dit aw sahaha madhhabahum wa hadha yashmal jami' al madhahib sawa kan al madhhab dini aw siyasi fa mathalan man lam yukaffir al shuyu'iyyin fa huwa kafir mithluhum aw al ilmaniyyin fa huwa kafir mithluhum. Donc ça englobe aussi au sahaha madhhabahum, yani celui qui a rendu bon un chemin, une voie, comme par exemple on va dire à notre époque les communistes ou bien les laïcs, car ce sont des choses qui sont l'opposé de l'islam. Ils ne se réunissent pas avec, ça se réunit pas avec l'islam, ces choses-là. Donc la personne, il doit rendre mécréant ces gens-là, sinon lui-même Il ne fait pas partie des musulmans. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, nous revenons à la base qui est que at-tawhid, l'unicité d'Allah, haqiqatun shar'iyya, bayyanaha Allah wa ar-rasul. Allah a dit: "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka بلا إله إلا الله بالعروة الوثقى بلا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم من قال لا إله وكفر بما يعبد من دون الله. Celui qui a dit la ilaha Allah et qui a mécru de tout ce qu'il y a en dehors d'Allah. C'est quoi le kufr bit-taghut? C'est de croire que cette chose est fausse, de la délaisser, de la détester, de la rendre mécréante et de la détester. Et lorsqu'on dit le kufr bit-taghut, yashmal al-ma'boud wal-ibada wal-abid. Ça implique l'adorer, l'adorateur et l'adoration qu'il voue. Tout ça, tu dois mécroire en ça. Croire que c'est faux. Détester ça et délaisser ça. Donc, at-takfir, c'est-à-dire le fait d'excommuner quelqu'un de l'islam, fait partie de la base de tawhid. فَمَنْ تَرَكَ التَّوْحِيدِ فَهُوَ لَيْسَ بِمُسْلِمِ وَمَنْ تَرَكَ الْكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ فَهُوَ لَيْسَ بِمُسْلِمِ. Donc celui qui délaisse le tawhid, celui qui délaisse l'adoration d'Allah, il n'est pas musulman. Comme celui qui délaisse le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, n'est pas musulman. Donc le fait de juger un associateur ou un juif ou un chrétien comme étant un musulman, ceci prouve quoi? Prouve que la personne, il n'a pas compris qu'est-ce que le tawhid. Ma fahima le tawhid. Fa kayfa ya'taqid le tawhid wa huwa lam yafham le tawhid. Comment il va croire à l'unicité alors qu'il n'a même pas compris qu'est-ce que l'unicité d'Allah Azza wa Jal? Et je vous rappelle que les gens qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est-à-dire les gens de l'jahiliya, de l'ignorance, Allah Azza wa Jal les a considérés comme étant quoi? Hakama alayhim bi annahum mushrikoun. Il les a considérés comme étant des associateurs. Alors que le Coran n'était pas encore arrivé pour eux. Et même Allah il dit wa in ahadun min al-mushrikeen stajaraka ala an yasma'a kalam Allah. Si un des associateurs veut écouter la parole d'Allah, yani il l'a pas écouté encore. Mais Allah il a dit c'est un musulman? Non. C'est quelqu'un de Al-Fitra? Non. C'est un mushrik billah azza wa jal. Hakama alayhi bi annahu mushrik. Ma annahu lam tuqam alayhi al-hujja ba'd. Le livre n'a pas encore, il l'a pas reçu encore. Fa yuhkam alayhi fi ad-dunya annahu mushrik billah azza wa jal. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, j'ai conseillé mes frères ainsi que moi-même à plusieurs reprises d'apprendre at-tawhid al-khalis. Et il me reste une parole de Cheikh Mohamed ibn Abd al-Wahhab à citer, inshallah, et après, c'est fini. Yaqul al-Sheikh rahimahullah, wa ta'ammal, isma', wa ta'ammal, anna al-Islam la yasih, illa bimu'adati ahli al-shirk al-akbar. Wadih. والمعاداة لا تكون إلا بعد التكفير وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعادة أهل الشرك الأكبر وإلا لم ومن لم يعاديهم فهو منهم وإن لم يفعله وقد ذكر في الإقناع عن تقي الدين شيخ الإسلام أن من دعا علي ابن أبي طالب فهو كافر وأن من شك في كفره فهو كافر. هذا نقلت الكلام وهذا كلام الشيخ محمد رحمه الله. فإن كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته له فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاديه فكيف بمن أحبه فكيف بمن جادل عنه. تصور يا أخي. Il dit Cheikh, et regarde bien et réfléchis bien. L'islam n'est pas bon que lorsque tu vas détester les gens qui font l'association majeure. Et celui qui ne les déteste pas, même s'il ne fait pas l'association majeure, n'est pas musulman. Comme a dit, comme il a été rapporté dans l'Iqna', d'après Cheikh l'Islam, qu'il a dit, celui qui invoque Ali ibn Abi Talib, eh bien, il est mécréant, et celui qui a doute sur sa mécréance est lui-même mécréant. Et ceci est la situation de celui qui a douté sur sa mécréance, alors qu'il le déteste. Que penses-tu alors de celui qui pense qu'il est musulman et qu'il ne le déteste pas? Et que penses-tu de celui qui l'aime? Et que penses-tu de celui qui le défend? Et là, le kalam wadih ya akhi. Les paroles de Cheikh rahimahullah ta'ala, ils sont très claires et c'est pour cela que il faut revenir inshallah ta'ala à la bonne compréhension de l'unicité d'Allah, à la bonne compréhension de l'attestation la ilaha illallah. Beaucoup de gens ils disent cette parole sans même se rendre compte du se rendre compte de des sens de cette parole et de ce qu'elle englobe. Subhanak wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.